Accepter les limites de l'intégration vibratoire, enregistrement réalisé lors du mois d'octobre 2025. Donc, par rapport au sujet qui va être question aujourd'hui, bien, j'utilise la même technique que d'habitude. Je fais des barres du bas vers le haut pour réduire un état de transe léger chez moi. Et récemment, j'écoutais sur Netflix. Donc, sur cette plateforme de diffusion là, de vidéos, des vidéos de Taylor Henry, qui est un médium. Donc, il y a deux séries là, par rapport à lui là, sur Internet, Life After Death et aussi Live from the Other Side. Donc, c'est un médium qui dit parler aux morts. Fait que là, j'ai écouté ça, je me suis tanné par contre rapidement. Le gars, pourquoi que je fais allusion à lui, c'est parce qu'il fait des barres du haut vers le bas. Fait des gribouillages quand il entre en transe légère pour entrer en contact avec des informations liées à des gens décédés, des personnes au connu. Une des deux émissions auxquelles j'ai fait allusion, c'est qu'il est en contact avec des vedettes, puis là, il leur parle des gens décédés. Moi, je trouve ça inintéressant là, parce que ça mène pas de vibration au second niveau. Le gars, zéro colère mentale. Puis, les informations qu'il apporte, des informations souvent mémorielles par rapport à des gens qu'il va capter. Puis, non, je trouve pas ça intéressant. Par contre, le principe qu'il utilise, qui a attiré mon attention, c'est qu'il fait des barres du haut vers le bas. Puis, en faisant les barres du haut vers le bas, moi, j'utilise ça. J'ai vu Bernard de Montréal dans le passé qui faisait ça. Ben, que Bernard de Montréal avait fait ça, ou que le médium Tyler, auquel je fais le Dion, fait ça. Bon, il y a quelque chose qui se passe en termes de connexion, d'état de transe induite ou d'état de dispositivité, un contact avec des informations de nature réflexive. Je ne peux pas nier le phénomène, sauf que l'autre, Taylor, il utilise ça, mais je trouve que les contenus qu'il amène ne sont pas assez vibrants. Puis là, je me permets de le critiquer parce que c'est pas un Québécois comme moi, là. C'est à distance. Le gars, il est sur Netflix, il a beaucoup de popularité, puis dans un engrenage. Sauf est-ce que les informations qu'il apporte amènent un changement au second niveau? Ça me dit non. Ce qui apporte un changement au second niveau, c'est de faire des hosties de choc vibratoires. Quand que je dis hostie, c'est parce que c'est mon vocabulaire québécois. Ça prend une dose de colère qui dans le fond, à la fois... émise par la personne qui est en contact avec les réalités occultes et captée par la personne qui est en consultation auprès d'elle ou qui reçoit l'information pour amener un ajustement au second niveau. Donc, la colère permet de détruire les formes anciennes. Quelqu'un qui se branche par rapport à du mémoriel lié à des gens décédés qu'une personne a connus, habituellement, ça apporte rien de créatif parce que ça nous garde en contact avec des réalités du passé. Parce que dans la conscience supramentale, ce que la personne a à faire, c'est de générer une vibration qui favorise l'expansion vibratoire de la psyché de l'individu qui est exposé au rayonnement énergétique de la personne pour qu'il y ait une vocation transformationnelle au second niveau. La vibration supramentale altère la psyché de l'individu qui la capte et qui transmet ça à une ou à d'autres personnes. Ça peut se capter à travers un enregistrement. La stagnation astrale aussi. Mais bon, ça pour dire quoi? Ben, c'est que faire les fameuses barres, puis après ça, je vais passer à d'autres choses, donne un résultat pour se connecter. Fait que je continue comme ça, mais je vais aborder le sujet principal. Accepter les limites de l'intégration vibratoire, c'est que tout individu qui se conscientise est appelé à intégrer puis accepter les limites de l'intelligence de l'esprit qui peut intégrer sur une base personnelle de son vivant. Même chose par rapport aux gens de son environnement, s'ils ont à intégrer ça, puis même chose par rapport au collectif dans lequel ils se trouvent. Bon, la conférence est finie. Je fais des farces. J'ai encore sans doute des choses à dire par rapport à ce sujet-là. C'est que tant que la personne réfléchit, c'est difficile pour elle d'intégrer la vibration. Parce que précisément, la réflexion fait interférence à ça. Puis d'accepter aussi que, tu sais, les gens sont plafonnés. Tu sais, c'est dur. C'est un peu comme un appareil informatique. Tu peux installer dessus un certain nombre de logiciels, mais à un moment donné, des limites de la capacité de l'ordinateur fait en sorte que tu ne peux plus faire les mises à jour. Parce que l'ordinateur, avec le temps, devient trop lent, devient trop limité. Il n'y a plus d'espace sur le disque dur. Tu peux essayer de libérer de l'espace, tu peux essayer de faire des choses, mais ça a ses limites. Notre corps physique, malheureusement, a des limites. Il y a une programmation. C'est un corps qui est mortel. C'est un corps qui connaît un processus de vieillissement. Et tant que la personne n'aura pas accès à un taux vibratoire ou à une science qui permet de pallier à ça, que ce soit une science matérialiste ou une science énergétique, ben c'est sûr qu'il y a les limites du corps. Est-ce que repousser les limites du corps puis chercher à faire ça dans un désir subjectif de prolonger la vie sous impulsion astrale liée à la peur de la mort est intelligent? La réponse est non. Est-ce que c'est intelligent de prendre soin de son corps? Ça l'est si on a la vibration de le faire. Mais je voulais aborder le sujet, revenir au sujet que je voulais aborder. Des fois, j'ai tendance à m'écarter. C'est que les limites d'intégration vibratoire, juste pour vous en donner une idée, des fois, ce qui peut être dur à accepter, c'est qu'on peut avoir des gens qu'on aime subjectivement. Bon, mais ben là, c'est sûr, ça me répond que si j'aime une personne subjectivement, ben à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'astralise dans le rapport à la personne. Donc, si on a un désir subjectif que telle personne aille plus loin dans sa vie, bon, si par exemple je m'intéresse sur le plan financier présentement à améliorer ma vie puis optimiser ma santé financière, puis que je vois qu'il y a des gens de mon environnement qui peuvent aller plus loin là-dedans pour être plus riches, arrêter par exemple. Il y a des choses qui m'apparaissent comme évidentes. Là. Tu sais, si je discute avec une personne qui a des certificats de pauvreté garantis, CPG, qui donne de 3 à 5 % de rendement par mois, alors que je sais que la personne pourrait avoir beaucoup plus avec des fonds négociés en bourse, avec des options d'achat ou avec la crypto-monnaie. Puis dans certains cas, une personne pourrait aller non pas chercher ça sur un an, 3 à 5 % de rendement d'intérêt, mais sur un mois. Avec, par exemple, dans le fond, certains produits, puis je vois que la personne n'est pas intéressée. Mais c'est correct aussi, chacun a les limites à l'intégration au niveau financier, selon ce qu'elle a à vivre, sa capacité à contenir le risque des actifs, ainsi de suite. Mais c'est la même chose au niveau vibratoire, tu sais, chaque personne a ses limites. Si on ne réfléchit pas à la situation des gens, on est plus dans l'acceptation. Il y a des choses que je regarde, comme par exemple, il y a des gens, dans le fond, qui vieillissent. Mais tout le monde vieillit, en fait. La situation au niveau santé physique, cognitive dégrade. Je vais amener au point qui est lourd, mais qui est dur, c'est qu'il y a certaines personnes qu'on n'a plus rien à dire ou plus rien à faire avec eux. Puis ces personnes-là sont dans certains cas, comment dire? La vibration, c'est un principe qui est au-delà de l'ego. On peut avoir la vibration de dire certaines choses à certaines personnes pour les ajuster, mais à un moment donné, la personne est plafonnée dans ce qu'elle peut intégrer. Ce qui fait que c'est inintelligent de chercher à lui partager une vibration au niveau de la parole dans une optique de transformation au second niveau parce qu'elle n'a pas la capacité à se transformer à ce niveau-là. Fait que, tu sais, il y a des personnes dans l'environnement qu'on peut savoir que la personne va probablement mourir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On peut aller voir par en dedans, est-ce que j'ai quelque chose de significatif, d'intelligent, de vibrant à lui dire? La réponse, c'est non. Bon, ben, j'ai pas nécessairement à lui dire quelque chose, puis il faut que je l'accepte. Là, des fois, on peut trouver ça dur si on le réfléchit. Dis, voyons donc, il n'y a rien à dire par rapport à cette personne-là. Puis là, ça me dit non, il n'y a rien à dire. Puis si tu essaies de dire quelque chose de vibrant pour essayer de l'ajuster vibratoirement, ça ne sert à rien rendu au stade où ce qu'elle est. Dans une optique d'intégration de l'esprit, quelqu'un peut dire quelque chose pour essayer de la calmer. Ça, c'est un autre niveau d'intervention. Donc, en fait, ça me faisait penser, c'est parce que récemment, j'ai vu ouais, une dame qui était assujettie par la haute spiritualité, dame de très belle sensibilité, volonté, elle, par rapport à des gens en fin de vie, elle pourrait avoir un rôle de passeuse d'âme. Donc, à ajuster, à, mettons, à l'âme qui vibre à de l'astral, à une plus haute spiritualité, puis à un principe plus grand d'amour, ou essayer de la détendre un peu, ce qui n'est pas rien, là, par rapport au passage de la mort. Mais c'est un rôle spirituel qui est assez énergivore. À un certain niveau. Mais au niveau de l'esprit, dans le fond, est-ce que telle personne en fin de vie qui était assujettie par l'astral, quelqu'un qui a une vibration supramentale peut l'amener à la conscience supramentale? La réponse dans la plupart des cas, c'est non. Est-ce qu'elle peut générer en sa présence une parole ou un rayonnement psychique l'amène à passer au second niveau? La réponse, c'est non. Donc, pourquoi qu'elle sent la présence d'elle? C'est sûr que la personne qui est consciente vibratoirement, elle ne sera pas intéressée d'apporter des soins énergétiques à des personnes en fin de vie dans l'optique d'un changement au second niveau. Quelqu'un qui est spirituel peut le faire avec un certain principe d'amour spiritualisé, mais ça a ses limites aussi. C'est pas mauvais qu'il y ait un apaisement de l'âme qui se fasse en préparation du moment de la mort. Oui, quelqu'un qui a une vibration élevée peut apaiser l'âme au moment de la mort, mais est-ce qu'il y a à le faire? Pas nécessairement. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la capacité d'interception, de réception de l'autre personne. Puis dans certains cas, de le faire avec quelqu'un en fin de vie, ça peut être ajusté. Dans d'autres cas, non, parce qu'il n'y a pas de possibilité même d'intégrer une mise en vibration visant l'apaisement, même si ce n'est pas un changement au second niveau. Dans cette personne qui est spirituelle, elle veut donner des soins en fin de vie à toutes les personnes qui se préparent à mourir d'une manière systématiquement. C'est pas intelligent. Il y a une sélectivité qui doit se faire, une sélection. Mais des fois, accepter les limites de l'intégration, c'est que ça peut nous dire intérieurement que certaines personnes sont plafonnées dans leur développement, puis il n'y a rien à faire. Quand on est spirituel, puis on veut que, par exemple, les gens évoluent, ça avance, qu'il y a un développement continuel, puis on a un désir là-dedans, on va souffrir en esti. La conscience de l'esprit, c'est de la souffrance pour l'ego qui désire d'être aux commandes ou contrôler les choses ou que ça aille dans le sens de ce qu'est-ce qu'il veut. L'ego de la personne qui a écouté des films de Walt Disney pendant son enfance, ou des bons triomphes contre les méchants, ou un développement dans les films en lien avec le parcours du héros développé par Joseph Campbell, où le personnage principal d'un film va passer du point A au point B après avoir franchi les obstacles puis vivre une transformation intérieure. Puis qu'on veut que ça soit tout le temps comme ça à travers des gens qu'on peut rencontrer, qui ont eu des problèmes de maladie, qui ont vécu des dépressions, des chocs de vie, puis qu'on veut qu'à travers le choc, qu'ils soient forgés à un autre niveau, puis ils développent un taux vibratoire plus élevé d'une manière systématiquement. Si on a un désir comme ça, on va souffrir. En fait, ce que ça me dit intérieurement, parce qu'il y a une vocation auto-thérapeutique à travers mes enregistrements. Parce que naturellement, avec mes enregistrements, c'est pas ça qui va me permettre, en tout cas pour l'instant, de devenir millionnaire, là. Ce que j'ai à lâcher prise dans mon corps par rapport à mon désir, puis ça fait plusieurs années que je reçois des dictées comme dans ce sens-là au niveau de l'esprit, d'aider les autres ou qu'il y ait un changement au second niveau, puis accepter les limites des gens. Puis dans certains cas, qu'il n'y a rien à faire. Tant que j'ai de la spiritualité, je peux vouloir faire des choses, puis il n'y a rien à faire. Mais je bloque l'intégration du message, puis je me crée de la souffrance psychologique inutilement dans un désir qu'il y ait des changements, alors que ce n'est pas possible. Avec le temps, j'apprends à accepter ce qui est, d'une manière froide, d'une manière lucide, puis c'est difficile. Puis il y a peut-être des gens qui ont de la difficulté comme moi, fait que c'est pour ça que je fais cet enregistrement-là, que je partage au public. Ça peut avoir ça comme fonction. Résister à ce qui est, c'est que tant qu'on a de l'astral ou quand on a du désir subjectif, ça peut nous arriver. C'est pas évident d'accepter ce qui est parce qu'on peut être programmé, comme je le mentionnais, par une culture cinématographique ou à travers des bandes dessinées qu'on écoute dans l'enfance où c'est les bons qui gagnent, puis le parcours du héros, puis les gens tirent profit de leur souffrance pour un plus grand niveau de compréhension ou d'intégration, puis une transmutation à travers une forme d'alchimie psychologique intérieure où la personne fait un usage positif du négatif. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il y en a qui sont, hein? Il y en a qui naissent astralisés, puis ils vont mourir astralisés, puis dans les jours qui précèdent leur mort, ils sont chevauchés par l'astral, puis il n'y a rien à faire. Puis il y a même un constat d'impuissance à avoir un certain niveau par rapport au plan de la lumière. Mais les plans de la lumière, si vous parlez avec eux à travers une forme de communication télépathique, Eux autres aussi, ils ont leur crise de limite. C'est pas juste des êtres humains sur le plan physique. Eux autres sont limités à composer avec des êtres humains qui ont des corps biologiques, des capacités d'intégration limitées de leur charge énergétique. Puis ils ont des dilemmes dans le sens que s'il y a trop d'opposition dans une vie d'une personne qui n'est pas capable de contenir, ben la personne risque de se faire astraliser puis est amenée au suicide. S'il n'y a pas assez d'opposition dans la vie d'une personne par rapport à sa capacité de contenance, c'est comme une personne qui est sous-entraînée dans l'optique de devenir une athlète. C'est retardataire, c'est une perte d'énergie en vertu d'amener un changement vibratoire qui va amener la personne à être un plus grand canalisateur d'énergie éthérique. Fait que le dilemme, c'est un peu comme l'entraîneur physique. S'il ne donne pas assez de charge à soulever à la personne qu'il accompagne en tant que coach, ben la personne qui est coachée, elle se développe pas sur le plan physique, mais si les charges sont trop grandes, elle va se blesser. Là, ça prend de l'intelligence et du discernement. Pour le juste dosage de charge. Mais le rôle de l'esprit par rapport à l'individu, c'est pas un rôle de tout repos, c'est un rôle d'ajustement vibratoire. Le déclic, le passage à un second niveau dans la compréhension par l'individu concerné qui est travaillé malgré lui par des forces occultes, c'est à travers la compréhension que la pensée vient d'ailleurs, la compréhension lorsqu'il vit un état d'intériorisation plus grand, qu'il peut capter l'esprit, puis il peut interagir psychiquement au niveau intra-psychique à l'intérieur de sa psyché avec lui pour aller chercher de la compréhension. Présique et manipulé. Dans des enregistrements récemment, je réécoutais des enregistrements que j'ai faits récemment. Puis, à un moment donné, je disais que l'être humain ne peut pas tout contrôler. C'est une façon polie de dire qu'il peut avoir, ça sous-entend qu'il peut avoir une capacité de contrôle. Mais en réalité, ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'il y a zéro contrôle. Il ne contrôle rien. C'est l'esprit qui contrôle. Puis s'il croit qu'il peut contrôler sa vie, il y a une crise de problème. Pourquoi? Ben, il y aura toujours des paramètres qui vont échapper à l'individu. C'est la même chose pour les dirigeants. Un dirigeant, mettons, t'as un politicien qui est président des États-Unis, il pense que l'économie va fonctionner en fonction de lui, ben, puis qu'il contrôle toute l'économie américaine avec ses politiques. S'il y a cette illusion-là, il y a une crise de problème. Parce que c'est pas vrai. Il y a des variables qui échappent à l'individu, à son intelligence, à sa compréhension. Donc, à un moment donné, il faut être capable de composer avec ça, même si au niveau de la notion du libre-arbitre, c'est très choquant. Parce que ça amène à réaliser l'individu que, bon, s'il ne contrôle pas sa vie, ben, il y a des réalités autres qui contrôlent sa vie. Il y a des forces autres. Quelqu'un qui est matérialiste va dire qu'il n'y a pas de libre-arbitre. C'est parce que l'individu est assujetti par les forces du déterminisme et du hasard. Dans l'esprit, le hasard, il y en a zéro. Mais il y a différents niveaux de forces qui agissent. Il y a des forces qui vont dans le sens du développement d'individus, d'autres qui vont en faire interférence. C'est des forces, il y a des programmations sur le plan physique. Puis des fois, c'est dur à accepter. Il faut composer avec des réalités humaines qui sont difficiles sur Terre tant qu'on les réfléchit et on les trouve difficiles. Vous voyez, ça serait juste à travers ma parole. Ce que ça veut dire intérieurement, c'est qu'au niveau de l'esprit, la notion de difficile, comme on peut le réfléchir subjectivement, il n'y en a pas. L'esprit regarde les choses par rapport à des charges énergétiques. Tout le temps, continuellement. Puis c'est une optique de circulation d'énergie et d'optimisation. Sinon, par rapport au thème, accepter les limites de l'intégration vibratoire, bien, c'est accepter que dans sa vie, on a des limites pour intégrer la vibration de l'esprit en fonction de notre corps physique. On a un temps limité aussi d'existence sur le plan biologique. Puis c'est la même chose pour les gens qui nous entourent, puis les sociétés, puis les collectivités. Est-ce que le fait que les gens sont limités, ça doit permettre de, comment dire, jouer à la victime subjectivement dans notre rapport à nous-mêmes en disant, ah, ben, c'est pas de ma faute si je suis pas plus ajusté, c'est parce que je suis limité. Ben, ça dépend. C'est là que ça devient subtil parce qu'il y a des gens qui peuvent mettre en place plus d'actions dans leur vie pour s'ajuster à l'esprit. Puis ils le font pas parce qu'ils ont peur, puis sont sous la dictée astrale, puis ils vivent à de la culpabilité ou autre. Donc, ils sont pas à leur plein potentiel. Si la personne, dans le fond, elle se complaît dans un rôle de victime limitée, elle a une crise de problème. Par contre, si la personne, au contraire, se réfléchit comme étant un grand initié, fusionné totalement avec l'esprit, qui est aux commandes de sa vie, comment qu'on appelle ça, le programmateur de sa programmation, puis elle se réfléchit là-dedans, elle a une crise de problème aussi. La personne doit avoir juste mesure d'elle-même, or tant que la personne est subjective et elle peut se réfléchir, c'est impossible qu'elle ait totalement une juste mesure d'elle-même. Parce que sa réflexion fait précisément interférence à ça. Finalement, il suffit, ce que ça me dit, perdez pas du temps à réfléchir à votre condition, contenez le réel dans ce qui est, puis agissez en conséquence. Récemment, dans un autre ordre d'idée, mais qui peut être en lien avec la question de l'intégration vibratoire, j'ai écouté encore une fois sur Netflix, je ne suis pas payé là, par cette compagnie-là de diffusion en ligne, là, soit dit en passant, c'est juste que je suis abonné auprès d'eux. Et puis là, j'ai écouté la télésérie. Ça s'appelle en français Bien dans ses bottes. En anglais, Boots. Et en lien avec le sujet présent, j'ai écouté ça. Il y a plusieurs épisodes. C'est intéressant. Je vais vous résumer un petit peu là, à partir de ce que nous en dit Google. Là, puis je vais commenter. Donc, c'est une série. Qui est disponible sur Netflix, qui est indiqué sur Google, l'histoire sur Cameron, un adolescent homosexuel des années 1990 qui rejoint le corps des Marines pour suivre son meilleur ami malgré l'interdiction de l'homosexualité dans l'armée à l'époque. La série explore les épreuves de l'entraînement militaire, les amitiés inattendues et la quête d'identité dans un environnement hostile. Inspiration. L'histoire est basée sur les mémoires de Greg Cope White, qui raconte son propre parcours en tant que jeune homme gay qui a dû cacher son orientation sexuelle pour s'intégrer dans le camp d'entraînement des Marines. Donc, j'arrête ici la lecture de ce qui est indiqué. C'est que, dans le fond, dans la télésérie, il est question du parcours que fait une personne qui est engagée dans les Marines. Donc, l'entraînement de recrue, là, puis elle devient marine, là, donc membre de ce corps armé là, élitiste là, des États-Unis qui est très exigeant. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que, dans le fond, si vous écoutez ça, c'est très dur, là, dans le sens que les jeunes, ils ont un entraînement là, qui est vraiment pas de tout repos, là, dans le sens qu'ils se font engueuler par... Les sergents instructeurs, ils peuvent se faire réveiller à tout moment. Là. Ça peut être à 2 h du matin avec quelqu'un qui fait du bruit avec des poubelles, en frappant sur des poubelles pour les réveiller, puis les leur demander de se présenter au garde à vous. Ils ont un entraînement naturellement physique super exigeant, notamment au combat. Donc, l'entraînement est très lourd. À travers ça, puis ça me fait penser un petit peu à l'entraînement à un certain niveau que vit la personne qui vit la fusion avec l'esprit. C'est un entraînement dans un sens qu'on peut qualifier similaire à un entraînement militaire, dans le sens que ça expose la personne à des chocs, à contenir au maximum ses limites. Ça met une grande contenance psychique. La personne qui réussit à passer à travers la formation de recrue pour être membre des Marines, comme c'est décrit à travers la télésérie, ben, la personne qui passe à travers ça a un estime niveau élevé de contenance vibratoire. Là. Ben, je dis vibratoire, c'est pas tout à fait ajusté. Il y a une contenance d'énergie, oui. Mais c'est de contenir, dans le fond, le fait qu'elle va être assujettie à des ordres qui proviennent d'un collectif, l'armée. Puis la personne qui intègre sa formation de recrue dans le domaine de la conscience supramentale, c'est contenir des chocs énergétiques qui va faire d'elle une nouvelle initiée, un peu comme la personne qui devient membre des Marines, elle change de statut. Sauf que là, c'est un statut vibratoire parce que la personne a été capable de contenir des chocs, puis contenir un fonctionnement sans réfléchir. La personne qui est membre des Marines, puis dans le fond, a fait sa formation de recrue. À pas avoir toutes sortes d'ordres de la part des supérieurs, puis elle n'a pas le droit de répliquer aux ordres donc du supérieur, même si psychologiquement elle peut trouver que l'ordre n'a pas d'allure. Là-dedans, à un moment donné, il y avait des supérieurs, à un moment donné, ils se fâchent, puis par rapport au dortoir où sont les jeunes, ben ils vont tout envoyer des déchets. Ils vont renverser les poubelles volontairement, puis après ça, ils vont dire aux jeunes, là, vous allez tout ramasser, alors que c'est eux-mêmes qui ont créé le désordre. S'il y a un jeune qui s'oppose à ça, il peut se faire engueuler par la suite. Parce que il faut pas qu'il discute l'autorité. Dans la conscience supramentale, je vois ça malheureusement. Ben, malheureusement, c'est moi subjectivement qui le réfléchis. C'est pas. OK, il y a pas d'abus d'ego, là, parce que quand tu écoutes cette série-là, c'est quasiment, tu as des jeunes ouais, ils sont volontairement humiliés, là. À un certain niveau, ils peuvent avoir des abus de pouvoir puis d'ego, là. Mais c'est des lois implacables d'énergie qui s'opèrent. Ça se discute pas, ça se réfléchit pas. C'est un petit peu comme la personne qui est face au sergent instructeur qui donne des ordres. Si la personne conteste les ordres, elle va se faire, dans le fond, engueuler. La personne n'a pas le droit de désobéir aux ordres. Mais dans le supramental, c'est de suivre une vibration en respectant des lois d'énergie sans la désobéir. Pour ce qui est de la télésérie, parce que j'ai écouté ça en plusieurs volets, il y a plusieurs épisodes. Donc, en passant, le titre est un peu ironique, là, bien dans ses bottes. Parce que le personnage principal dans la télésérie, il est tout sauf bien dans ses bottes, dans le sens que c'est un milieu qui est hostile à l'homosexualité. Il est homosexuel, il est obligé de cacher ça, de dissimuler ça. Puis il est soumis à un entraînement qui est très dur pour l'ego, où l'ego est cassé. D'ailleurs, un adage j'en ai avec les forces militaires qui dit We'll break you after we make you. En français, on te brise, puis après ça, on te construit. En supramental, on te crisse à terre, puis après ça, on te reconstruit vibratoirement pour que tu sois un hostie de soldat psychique malgré toi. Fait que là, vous voyez les traductions à différents niveaux. Au niveau supramental, la formation de recrues, c'est d'exposer progressivement l'individu à des chocs de plus en plus grande intensité pour qu'il développe une plus grande contenance vibratoire. La formation de recrues dans les forces armées, c'est que la personne elle soit exposée à différentes situations. Puis, c'est de voir si elle va arrêter. Parce que là, c'est un entraînement exigeant. Tu demandes à la personne de faire plusieurs push-ups. Puis, à un moment donné, la personne n'est plus capable. Ben là, sa force physique est saturée. Elle a atteint son plafonnement. Puis, si elle ne répond pas des normes minimales en termes de forme physique, elle est mise à porte. Dans la télésérie, à un moment donné, au début, il fallait que, dans le fond, la personne fasse au minimum. Il y avait un minimum de capacité physique à avoir pour que la personne puisse continuer son entraînement, qu'elle ne soit pas éliminée par rapport. Parce que des soldats là-dedans, ben, les recrues, ils ne vont pas nécessairement devenir des soldats ou des officiers par la suite, mais qui ont la formation de base au niveau militaire, qui ne sont pas capables. Fait que, ils sont mis à porte du groupe en formation. Ils sont pas capables de contenir l'entraînement. Fait que, tu sais, si la personne n'a pas les capacités physiques pour répondre aux normes minimales d'activité, de normes, par exemple, il y avait des tractions qui devaient être faites avec le bras. Puis là, au début, ben, il fallait qu'en fasse un minimum de trois. Puis s'il faisait pas les trois, ben, il était mis à la porte. Ensuite, mais c'est par gradation. À un moment donné, il y a d'autres choses à faire, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Puis au niveau de l'esprit, ben c'est par gradation vibratoire. À un moment donné, t'as un choc à un certain niveau, ensuite un choc plus important, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, la personne est plafonnée. Si la personne a une conscience réellement vibratoire, elle va être confrontée au plafonnement. Ça va, elle va être capable de l'assumer en disant, bon, je suis pas capable d'aller plus loin que ça. Elle ne cherchera pas à s'obstiner psychologiquement. De toute façon, quelqu'un qui a un désir astral d'aller plus loin dans quelque chose alors qu'elle n'a pas réellement la capacité, que ce soit au niveau développement physique à travers l'entraînement, à travers l'investissement aussi, à prendre trop de risques inutiles qu'elle n'est pas capable de contenir, elle se met dans la merde. Il y a un niveau que chaque personne, c'est individuel, elle peut, que la personne peut contenir sur le plan financier en termes de gestion active d'un portefeuille d'investissement parce que ça peut générer du stress. Ensuite, de gestion relationnelle, tu sais, quelqu'un peut être en contact avec 10 personnes, elle ne peut pas être en contact avec 3000 personnes en même temps. Il y a des limites. Chacun doit respecter ses limites parce que sans ça, la personne s'expose à de l'épuisement, à la dépression, etc. Puis, dans le fond, à des problèmes qui vont l'amener vers la déchéance ou la mort. Dans la télésérie, bien, à un moment donné, il y avait un jeune qui avait des problèmes cardiaques, mais il continuait l'entraînement physique. Alors que, dans le fond, il aurait fallu qu'il s'arrête, mais comme il désirait, parce que quelqu'un peut avoir le désir, dans le fond, de faire partie d'un corps armé, puis la personne qui est si proche du but, tu sais, si elle a une formation, mettons, de 12 ou 15 semaines, elle a presque fini la formation, mais elle devait arrêter en lien avec un problème cardiaque, mais elle le fait pas. Elle peut se ramasser dans la merde. Puis, ben dans la télésérie, là, je vois là, un peu les punchs, là. Si vous voulez l'écouter, que j'interfère pas trop, mettez l'enregistrement sur pause maintenant. Sinon, ben, je vais continuer parce que moi, j'ai tout écouté des épisodes. C'est qu'à un moment donné, il y a un jeune qui est mort parce qu'il y a des problèmes cardiaques. Il continue l'entraînement physique de haute intensité au niveau militaire. Donc, il n'a pas respecté ses limites. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut accepter ses limites. Mais il faut que les plans aussi les acceptent, nos limites. Puis pour ça, il faut que la personne monte en colère mentale puis qu'elle soit capable d'exprimer ses limites au plan de la lumière en disant « Ça suffit. Crissez-moi la paix. » Puis en passant, l'entraînement en lien que le plan éthérique, c'est un entraînement à caractère violent. Oui, je suis obligé de dire ça. Les gens spirituels n'aimeront pas ça, mais c'est un entraînement dans la violence vibratoire. Est-ce que c'est moi qui l'ai voulu? Non. Mais c'est comme ça. C'est de même que je le perçois depuis des années. Je pense pas que ça change. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme l'entraînement pour faire partie des Marines, c'est un entraînement de violence psychologique, parce que la personne, dans le fond, a vu de la domination de la part de son instructeur, qui a un niveau hiérarchique plus élevé qu'elle, qui lui dit quoi faire. Bon, mais ben, l'esprit, tant que l'esprit a un niveau vibratoire plus élevé que nous autres, il est en position de dire quoi faire puis de nous imposer des choses. C'est ça la réalité qui est écœurante. Avec le temps, par rapport à l'entraînement de l'esprit, entre guillemets. En fait, c'est pas un entraînement comme un entraînement physique ou psychologique à accepter des ordres qui sont ridicules sans les contester. C'est tout simplement une transformation énergétique, mais d'une manière par choc, à intensité variable. J'allais dire graduelle, mais c'est pas nécessairement vrai parce que c'est en fonction de la contenance de chacun. Ce qui est appelé à faire en vertu de sa programmation au second niveau, au niveau de l'esprit. Ouais, quelqu'un qui s'engage dans les forces armées, puis la télésérie, ouais, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la télésérie, moi, en tant qu'ego, je me suis observé par rapport à ça. Parce que j'avais commencé, dans le fond, à écouter à un moment donné le premier épisode. Puis je trouvais ça violent. Au niveau psychologique, par rapport à tout ce que vivent les recrues en formation, le fait qu'ils se font souvent gueuler, crier après par les instructeurs, à quelques centimètres de la figure. À un moment donné, je voulais arrêter de l'écouter, puis à un moment donné, ça me disait intérieurement, faut pas que je lâche, même si je trouve ça dur. Là, j'ai continué à écouter ça, puis là, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a comme une charge énergétique aussi au niveau de l'esprit. À un moment donné, psychologiquement, on peut vouloir démissionner, c'est-à-dire arrêter ce qu'on fait en disant « Christ, c'est trop », puis là, ça nous dit intérieurement « Non, t'as encore de la capacité d'en faire, fait qu'il faut que tu continues. » Puis après ça, on en revient à charge. Puis là, par rapport à la télésérie, ça me dit intérieurement, il y a quelque chose à tirer de ça. Fait que là, j'écoutais un épisode, je trouvais ça pas agréable, parce qu'il y a beaucoup de charges énergétiques, confrontation. Puis après ça, j'arrêtais. Puis là, j'avais écouté, j'ai essayé d'écouter, comme je vous expliquais, Tyler Henry, puis le médium parle avec les morts. Je lui ai dit, Chris, il n'y a aucune vibration là-dedans, il n'y a rien. J'apprends rien. Ouais, je vais vous le dire, je vais arrêter de me bloquer, c'est de ce niaisage. Mais ça va chercher des codes d'écoute parce qu'on parle de gens décédés par rapport à des vedettes américaines. Les gens sont curieux de ça. Fait que ça joue sur la curiosité psychologique qui lie la personne à l'astral puis à l'égrégore de la vedette. Mais ça ne change rien. Dans ce l'autre télésérie, ben, au niveau vibratoire, ça m'amenait à voir que la personne subit une imposition d'un entraînement. La personne qui est recrue dans l'armée, on s'entend, c'est pas elle qui décide subjectivement c'est quoi l'entraînement qu'elle va subir, que ce soit le maniement des armes, l'entraînement physique, l'entraînement psychologique, par exemple, à être toujours aux aguets puis à être prête à être au garde-vous, que ce soit à 2 h de l'après-midi, à 2 h du matin, là, quand l'exige le sergent instructeur. Bon, dans le supramental, ben c'est ça, d'être tout le temps prêt. D'être tout le temps ouvert à s'ajuster vibratoirement, que ce soit à 2 h de l'après-midi ou à 2 h de la nuit, puis à composer avec des réalités énergétiques de combat. Puis la formation supramentale qui amène des changements vibratoires, c'est pas, en passant, vous ne pouvez pas aller à une académie militaire pour l'acquérir, ni à nulle part. C'est tout simplement à travers l'école de la vie avec un grand V, puis à travers les oppositions que vous vivez dans votre quotidien. Si vous avez à vivre ça. Moi, personnellement, quand que j'étais subjectif, plus jeune, je réfléchissais, je dirais, ah, ça serait intéressant que des gens vivent ça pour évoluer à un second niveau, puis qu'il y ait une école de la conscience. Mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'ai dit le style de merde à l'école de la conscience, parce que ça occasionne beaucoup de souffrance, puis c'est des gens, c'est comme les forces armées, si la personne n'a pas la capacité de contenir ça ou quelqu'un qui a un problème cardiaque, il va péter les plombs en esti. Il y a des gens qui n'ont pas à vivre cette conscience-là, puis tant mieux pour eux, puis il y a des gens qui ont à vivre, puis tant mieux pour eux. C'est bien qu'il y en a qui le vivent, c'est bien qu'il y en a qui le vivent pas. Il n'y a pas de contradiction là-dedans, c'est pas pour tout le monde. C'est comme l'entraînement militaire, c'est pas pour tout le monde. Et heureusement. Parce qu'il y en a qui pèteraient les plombs en estime. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir la contenance vibratoire. Parce que là, dans la télésérie, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'entraînement de recrues de A à Z. Puis la question qui se pose, c'est quand est-ce que un ou des jeunes du groupe vont péter leur plomb, vont péter les plombs, puis ils vont s'exclure du groupe, de la formation, parce qu'ils ne sont plus capables de contenir les charges énergétiques, autant physiques que psychologiques, qui subissent dans leur formation de recrue. Ça, c'est la curiosité de mon ego. Mais finalement, le personnage principal, ben, il était capable de tout contenir ça. Fait que c'est quand même intéressant. Puis en même temps, ben, c'est une télésérie, il fallait que ça finisse bien, là. C'est ça, mais c'est le parcours du combattant en lien avec l'intégration d'une programmation. Dans le cas-ci, c'est la programmation de comment être un soldat dans le corps armé des Marines. Mais au niveau supramental, c'est pas une programmation psychologique comme ça, mais psychique vibratoire. Puis la personne qui passe à travers, elle n'a pas par la suite un bel uniforme de parade avec une cérémonie puis des médailles, non. Alors, rien, sauf un changement vibratoire, mais en même temps, c'est tout. Parce que les médailles, le bel habit d'apparat, un peu comme le coffre-fort qui suit pas le corbillard, ben, toutes les formes qui sont pas des changements énergétiques au niveau de la conscience au second niveau, ça n'a pas de durée dans le temps. Parce que les changements vibratoires au second niveau, par rapport à la réalité énergétique fondamentale de l'individu, ces changements-là ont une incidence à long terme par rapport à un parcours expérimental sur le plan terrestre d'une conscience à travers un corps physique. Présentement, à mon niveau, en cette année 2025, la personne qui vous parle, ben, j'ai fait d'autres enregistrements là-dessus, là, je m'intéresse beaucoup à la finance, puis je fais un parcours très strict où j'économise beaucoup, je suis dans l'investissement, économise, investis, économise, investis, ainsi de suite. Puis j'ai atteint une certaine cadence. Là, c'est moi psychologiquement, on ne peut pas dire c'est vibratoire, là. Quoique dans l'esprit, ça me dit intérieurement, c'est dur. Vous êtes dans une société de surconsommation. Puis, vous voyez, j'ai un mouvement de retenue. Parce que souvent, l'ego, on en veut plus. Ce que ça me dit, c'est que vous avez les choses nécessaires pour être capable de fonctionner dans votre vie, présentement, d'être en équilibre. Mais en ego, en tant qu'ego, on en veut d'autant plus sur le plan financier. On veut plus de ci et plus de ça. Mais c'est ça, c'est parce que le problème de l'ego, qui a des attentes, qui a des désirs, c'est qu'il veut avoir certaines choses. Mais l'esprit, son intérêt, c'est pas nécessairement que l'ego ait accès à ça. C'est qu'il change de taux vibratoire. Moi, en tant qu'ego, je pourrais désirer de parvenir à l'autonomie financière dans les plus brefs délais. Mais ce qui intéresse l'esprit, c'est pas que je parvienne à l'autonomie financière le plus rapidement possible, mais c'est que je sois le plus ajusté vibratoirement possible à lui. Mais ça implique des transformations, des chocs à ma personne. Je suis pas assez masochiste pour désirer ces chocs-là. Il y a des gens qui font une démarche de conscientisation qui désirent rehausser leur taux vibratoire. S'ils savaient qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. C'est-à-dire subir une imposition énergétique de l'esprit, parce que c'est ça que ça implique un changement réel de taux vibratoire. Peut-être qu'il voudrait plus ça. En fait, il voudrait plus ça. Parce que c'est pas humain de vouloir ça. En réalité, souvent, ce que les gens veulent, c'est pas un rehaussement du taux vibratoire, c'est un apaisement de taux vibratoire, un plus grand calme ou un bonheur vécu d'une manière subjective. C'est pas un changement au second niveau. Parce que ce changement au second niveau implique la destruction de la psychologie du niveau présent, comme mentionné tantôt, we'll break you after we make you. Donc la personne est brisée dans son lien à l'astral pour être faite, recréée dans une relation plus harmonisée à l'esprit qui va l'amener à connaître des chocs énergétiques et à être une vecteur de chocs énergétiques malgré elle aux gens de son environnement qui ne sont pas ajustés à l'esprit. Que la personne le veuille ou ne le veuille pas, si elle change de taux vibratoire, puis sa parole monte en autorité, en intensité, automatiquement elle crée des chocs, que ce soit voulu ou non voulu, là, seulement ce qu'elle dégage dérange. Ça crisse l'astral à terre. Juste sa présence là, va crisser des chocs énergétiques à l'astral. Puis là, les gens, il y en a qui n'aiment pas ça, que je parle en utilisant des jurons, mais c'est la meilleure façon de traduire cette réalité dans sa violence énergétique. Fait que là, peut-être un jour, je ferai comme titre. Des fois, j'essaie de. Ouais. Des fois, j'essaie psychologiquement, dans mon âme, ma conscience, de protéger les gens puis de pas trop exposer à des trucs violents ou souffrants. Ben, peut-être un jour, je ferai un titre d'enregistrement. Ça va s'appeler La conscience supramentale produit de la violence vibratoire. C'est pas produit. De caresses énergétiques. Non. C'est une violence énergétique, c'est une imposition. Puis là, c'est sûr, quand j'écoutais récemment la télésérie par rapport aux recrues militaires, ben, ils subissent une imposition d'un programme. Puis s'ils ne sont pas capables de contenir le programme, ils sont mis à la porte de l'armée. C'est pas compliqué. Puis pourquoi ce programme-là, il est dur et est exigeant? C'est en lien avec la nature de la fonction. Parce que par la suite, quelqu'un qui appartient au corps des Marines peut être déployé en mission, puis peut dans le fond, vivre des combats, puis avoir à tuer du monde. Puis il est préparé à tuer. Il est programmé à tuer des personnes. Bon, ben, quelqu'un qui devient un guerrier de la conscience supramentale, que ce soit voulu ou pas, il est imposé à un programme de formation qui va l'amener à neutraliser l'astral, puis être un guerrier qui va faire la guerre à l'astral. Qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. C'est ainsi, ça s'impose. Tandis que la personne des forces armées, elle devient soldat, bon, ben c'est sûr que elle va être payée en conséquence, elle va recevoir un salaire, des décorations. Aux États-Unis, une reconnaissance sociale aussi des militaires, une valorisation de ça. Il y a une culture patriotique, militariste, et puis les gens ont des pensions de vieillesse, etc. Il y a des avantages. C'est socialement bien vu. Tandis qu'être en conscience supramentale, socialement, c'est mal vu. Pourquoi? Ben, parce que tant que le collectif est sous emprise astrale, ils peuvent pas apprécier le changement vibratoire, puis dans certains cas, ne le voient pas. Les gens sont soit mal vus ou pas reconnus. Mais c'est ainsi, c'est les règles du jeu. Les précurseurs, c'est comme ça. À un moment donné, ben, quand il y aura une masse critique, les choses changeront. Mais de toute façon, c'est une affaire individuelle. Que la personne soit reconnue ou pas par le collectif, au niveau de la conscience pure, énergie, l'esprit s'en calisse. L'esprit s'en fout. Ce qui compte, c'est tout simplement que la personne soit plus ajustée vibratoire dans le lien avec sa capacité et contenance. Optimiser la charge d'énergie qu'une personne peut contenir selon sa capacité. C'est vraiment ça l'objectif de l'esprit. On est très loin du jeune médium qui va parler des gens décédés à des vedettes pour les fasciner. Quelqu'un de vibratoire supramentalement qui se brancherait avec l'esprit serait en contact avec des vedettes, puis il y aurait un travail à faire avec eux. Ce ne serait pas de les rassurer à savoir qu'il y a de la vie après la mort en entrant en contact avec des gens décédés ou des informations que la personne capte. Ce serait tout simplement de les ajuster vibratoirement, continuellement, en leur créant tout le temps des hosties de choc. Ce serait ça l'étalon de mesure, que la consultation a une fonction réelle. Tout le temps dans la confrontation des hosties de choc. Tant que la personne peut être ajustée. À un moment donné, quand elle est saturée, la personne qui consulte dit, regarde, il n'y a plus rien à faire avec toi, j'ai plus la vibration. Ça coupe. La personne, elle ne se sent pas coupable de ça. Parce que l'autre peut en vouloir plus en disant, t'es peut-être mieux en réalité de ne pas en vouloir plus parce que tu vas souffrir en esti. Si tu veux trop de charge d'énergie et tu ne peux pas la contenir, ça va te crisser en état de dépression, en état d'épuisement personnel. Tu ne seras plus capable de travailler, tu ne seras plus capable d'avoir une vie normale avec ta femme. C'est ça la clarté puis la réalité brute. C'est que les gens ont des charges limitées. La personne qui vous parle aussi, j'ai une contenance énergétique limitée. Il y a des choses que je ne peux pas faire, que probablement que je ne pourrais jamais faire sur le plan physique. Mais si je ne réfléchis pas à ça, il n'y a pas de problème. Je suis confronté à des réalités planétaires, comme la plupart d'entre vous, en ligne des limitations. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si je peux pulser une vibration qui permet d'émanciper la peur, la dictature astrale, la culpabilité, qui est un poison pour la conscience. Des fois, je suis en colère dans mon quotidien. Avec les années, en passant, quand les gens. Si les gens qui pensent qu'en se conscientisant que le niveau de colère va diminuer, je vous dirais que c'est le contraire, il augmente. Mais c'est une colère vibratoire. Dans le sens que plus vous intégrez la vibration de l'esprit, plus que vous pouvez venir irritant par rapport à la perception de l'astral qui fait interférence. Ou de choses que vous devez ajuster. Donc, l'intégration supramentale amène une forme d'intransigeance vibratoire avec le temps. Le coussin de sécurité astrale diminue, l'acceptation astrale diminue, accepter de se faire vampiriser diminue. La personne s'affirme, elle met ses limites, puis elle devient de plus en plus combative, puis plus en plus, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, une guerrière occulte. T'sais, si on aurait un étalon pour mesurer si la personne a intégré ou non la conscience supramentale, Ça va être tout simplement de regarder les charges d'énergie qu'elle peut contenir, puis les combats psychiques qu'elle peut livrer pour pas être assujettie à l'astral, puis la force de compatibilité, sa capacité d'exprimer une colère mentale. Quelqu'un qui est réellement en contact avec l'esprit, puis le réellement intégré à un certain niveau, ouais. Sur le plan physique, compte tenu de la situation présente planétaire, ça fait des gens colériques, ça fait des gens qui sont vecteurs d'une énergie qui bouscule, qui crée des chocs. Que cette potentialité-là, elle n'a pas à créer des chocs systématiquement avec tout le monde, parce que, regardez, il y a des limites à gaspiller ses énergies, mais elle a cette capacité de livrer combat à tout moment, comme le militaire qui est prêt à être au garde-vous, que ce soit à 2 h d'après-midi ou à 2 h du matin. Ma personne est continuellement prête à livrer des combats. Ouais. C'est ce qui va être dit. Là, je vais compléter l'enregistrement en disant que accepter les limitations de l'intégration vibratoire, ben, c'est inévitable pour l'individu qui se conscientise. C'est de l'ordre de la fatalité. C'est de l'ordre de qu'est-ce qu'il y a à être. Bon, je vais arrêter ici l'enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.